333e chapitre. Un moment d'inquiétude. Les peaux-rouges, chose curieuse, n'avançaient pas d'une semelle, mais ne reculaient point non plus. Ils semblaient rivés au sol. « Il est certain qu'ils ont le trac, » dit Fabien. « C'est visible, » répondit Francis. « Sans cela, il y a longtemps qu'ils nous auraient attaqués. »« Ils vont peut-être se décider. » « Oui, mais espérons qu'il sera trop tard quand ils prendront une décision. » À ce moment, un éclat de rire strident s'éleva à quelques mètres de l'aéroplane. Malgré eux, les aviateurs tressaillirent. Fabien avait épaulé sa carabine et se tenait prêt à faire feu. « Ils ont un sacré toupet, ces Indiens » murmura-t-il. « Ah, je voudrais bien apercevoir celui qui se moque ainsi de nous. Où est-il ? « Je parie qu'il se tient derrière cette roche. Mais non, on l'apercevrait. Ah, voulez-vous parier que nous sommes sur une carrière et qu'il y a au-dessous de nous des ennemis qui vont nous tomber dessus ?» Francis s'était vivement jeté hors de l'appareil et regardait de tous côtés. « Je t'assure, dit-il à Fabien, que nous sommes sur un sol ferme. Il n'y a sous l'aéro qu'un sable lisse et uni. » Alors, « je n'ai pas rêvé, cependant. On a ri à côté de nous. » Le Parisien n'avait pas achevé ces mots qu'un rire plus bruyant que le premier éclata de nouveau. « Cette fois, je suis sûr que celui qui se moque de nous est de ce côté, » s'écria Fabien. « Oui, j'en suis sûr aussi, » répondit Francis en s'esclaffant. « Et même, je te dirais que je vois celui qui se paye notre tête. » « Où cela ?» demanda Fabien. « Où cela ?»« Tiens, ici, un peu à droite. » Le Parisien ne put retenir une exclamation de surprise. Le narquois qui riait ainsi à la barbe des aviateurs, c'était un perroquet. Oui, un superbe perroquet gris à tête rouge, posé sur un roc avec lequel il se confondait. L'étonnement des aviateurs était à son comble. Mais ils eussent probablement été moins surpris s'ils avaient su que les Indiens Chouka élevaient des perroquets pour charmer un peu leur solitude. Ils leur apprenaient à parler, à rire, à imiter le bruit du cheval qui hennit et du chien qui aboie. Le perroquet gris, appelé Zonagra, est un peu plus fort que le perroquet commun et sa voix est plus claironnante. La plupart de ces perroquets viennent du sud. On leur apprend fort aisément à parler et ils semblent imiter de préférence le rire et la voix des enfants. Au reste, il est prouvé que tous les oiseaux susceptibles d'imiter la voix humaine écoutent et rendent plus volontiers la parole des enfants, sans doute parce qu'elle est moins fortement articulée et plus analogue par ses sons clairs à la portée de leur organe vocal. Les talents des perroquets de cette espèce ne se bornent pas à l'imitation de la parole. Ils apprennent aussi à contrefaire certains gestes et certains mouvements. Scaliger en a vu un qui imitait la danse des Indiens Sioux en répétant leurs chansons. Celui-ci aimait à entendre chanter. Et lorsqu'il voyait danser, il sautait aussi, mais de la plus mauvaise grâce du monde, portant les pattes en dedans et retombant lourdement. C'était là sa plus grande gaieté. On lui voyait aussi une joie folle et un babil intarissable dans l'ivresse, car tous les perroquets aiment l'alcool. L'espèce de société que le perroquet contracte avec nous par le langage est plus étroite et plus douce que celle à laquelle le singe peut prétendre par son imitation capricieuse de nos mouvements et de nos gestes. Si celle du chien, du cheval ou de l'éléphant sont plus intéressantes par le sentiment et par l'utilité, la société de l'oiseau parleur est quelquefois plus attachante par l'agrément. Il récrée, il distrait, il amuse. Dans la solitude, il est compagnie. Dans la conversation, il est interlocuteur. Il répond, il appelle, il accueille. Il jette l'éclat des ris, il exprime l'accent de l'affection. À suivre. Dans le prochain épisode, les faucheurs de la mort.